Je dis encore, m'a chanté pour bon Dieu grand maître là avec parole céleste. Parce que ce cours, c'est dans bon Dieu lié, lui-même qui fait ciel la terre. Bon Dieu pour t'aimer m'a prié, dans ses oreilles ou pour t'entendre. M'a tant réponse ou tant coup, yon te sec captant la pli. Bon Dieu pas, j'en n'en pati pris. Li pap juge m'sou sa mouen fè. Parce que moi papa y menti, la bombe justice. L'ennemi mio poursuiv mouen. Yap marché doit vin jouen mouen. Mouen bouleversé en pire. Bon Dieu presse vin répond mouen. Mwen senti m pa kapab ankor, yo tan yon pèlin pou mwen, sou chemin kote m pase, voyeje yo tout pa tout sou mwen, tout moun pran pos yo pa konnen, pa gen yon moun pou pran ka mwen innocent, wap toujou defann mwen, ou pap jan kite m pran won, devan l'ennemi mwen yo. L'ennemi m'y a tout partout, tout est fait, y'a fait derrière moi. Y'a cherché yon occasion, pour y'a qu'à vider à terre. Y'a arrogant, l'air à parler, langue y'a filé tant pour rasoir. M'a prêlé au bon Dieu, papa, côté m'secours. Moi qu'on aime innocent, ou pas virer devant moi, c'est où qui tout espoir. Bon Dieu coûte tout cause moi yo, c'est ou même qui poil bonne justice. Parce que moi pas bail menti, moi mette confiance moi dans ou. Fait tout l'ennemi mio disparaître, détruit tout moun kap pese mio. Tant pis retirer notre côté mieya. C'est ou même qui bon Dieu, l'ennemi mio gen force passer. Bataille ça pas pour moi.